Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Deuxième partie, dévotion envers Marie, traité unique. Il servirait peu de connaître le mérite d'une chose si l'on ignorait, ou si l'on négligeait la manière d'en profiter. Que servirait-il en effet à un malade de connaître l'efficacité d'un remède, à un orfèvre la valeur d'une perle précieuse, si après cela l'un et l'autre, ou par ignorance, ou par paresse, négligeait d'en tirer profit? Que servit-il à ces philosophes superbes dont parle saint Paul d'avoir connu Dieu, s'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, s'ils se sont égarés dans leurs vaines pensées, Romains 1, 21. Une telle connaissance ne servit qu'à rendre leur conduite plus inexcusable, et leur condamnation plus terrible. Le Créateur doue à l'homme d'intelligence, non pas afin que, se bornant à une spéculation oiseuse et stérile, il ne se mit en peine d'autre chose que d'enrichir son esprit d'idées nobles et grandes, non assurément, mais il le fit afin que l'homme se serve utilement de ses connaissances pour régler sa conduite d'après les lumières qu'elles lui fournissent. Mon cher lecteur, je crois et je suis sûr qu'en lisant la première partie de ce petit ouvrage vous vous êtes formé une certaine idée avantageuse de Marie. Les considérations que je vous ai mises sous les yeux sont en petit nombre, il est vrai, et encore n'ont-elles pas été présentées avec la dignité que réclamait la grandeur du sujet. Je crois cependant n'avoir pas travaillé en vain, n'eussé. Je fais autre chose que vous donner l'occasion de faire d'utiles réflexions, car il est dit, donnez au sage une occasion d'apprendre, et il deviendra encore plus sage, Proverbe 9, 9. Ainsi, à l'occasion de ce que vous avez lu, vous en serez venu peut-être à vous former de Marie l'idée la plus parfaite qu'il vous soit possible. C'est là sans doute un précieux résultat, mais il ne suffit pas à lui seul. Que servirait-il en effet de connaître l'excellence de Marie, si les sentiments ne répondaient pas à l'idée qu'on en a conçue? En d'autres termes, si l'on ne s'attachait à devenir un serviteur dévoué, un enfant de Marie, celle-ci serait toujours également bonne, sans doute, mais elle ne le serait pas pour vous. Voulez-vous donc être un serviteur de Marie? Voulez-vous être son enfant? Oui, me répondez-vous, oui, je veux l'être. Béni soit celui qui vous a donné cette sainte volonté, béni soit celle qui vous l'a obtenue. Sachez toutefois qu'il n'est pas suffisant de vouloir être un serviteur de Marie, il faut l'être en effet. À combien se trompe qui se croit avoir la dévotion envers la Sainte Vierge, tandis qu'ils ne l'ont pas. Pour écarter de vous le danger de tomber dans une méprise qui pourrait vous être aussi préjudiciable, je vais traiter, dans cette seconde partie, la question de savoir quels sont les véritables serviteurs de Marie, en quoi consiste la dévotion qui lui est due. C'est la question que nous tâcherons de résoudre et d'éclaircir le mieux qu'il nous sera permis. Dans un premier chapitre, je démontrerai brièvement les avantages qui naissent d'une semblable dévotion, afin d'exciter de plus en plus dans votre cœur le désir de posséder un trésor si précieux. Ensuite, je passerai à l'examen de la question, savoir. Qui peut ou ne peut pas se glorifier à bon droit de le posséder. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.